Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. On se rejoint une Kiwan en cavale en direct en Alberta. Et on parle avec Xavier qui nous parle de thé de cuisine. Et puis on a peut-être d'autres affaires autour de ça. On verra, on verra. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 16 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. C'est l'avant-dernière semaine de la session. Oui, tout à fait. Oui, il en reste une après celle-là et deux jours de plus, je crois. C'est fini mardi suivant. C'est fini mardi le premier, si je me trompe pas. Là. Ça. Les quotidiennes seront finies à ce moment-là, mais il n'y aura pas rien en nom. On vous en reparlera, mais il y a peut-être un événement spécial qui s'en vient de 1er mai. Fantastique. Mm-hmm. Donc aujourd'hui à l'émission à 7h15, on aura Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Il nous parle de musique canadienne, bien évidemment. Canadienne. Et puis il va nous faire entendre du Hunger Hush, Real Boys et Oh No Yoko. Comment? Oh No Yoko. Oh No Yoko. Oh Yoko. Oh No Yoko. Ah, wow, comme c'est cool. Donc ça s'en vient tout à l'heure, en tout cas. Tout ça c'est canadien, j'imagine? C'est canadien. Fantastique. En effet. Et puis vers les 8h, on va recevoir Xavier qui va nous parler de thé de cuisine, comme oui. À chaque semaine. Donc, cette semaine, il nous apporte des thés. C'est ce qu'on sait. Ben ouais. Thé glacé, peut-être. Peut-être. Peut-être. Il lui reste pas grand temps pour apporter des thés glacés. Surprise. Ouais. Donc, c'est dans l'émission d'aujourd'hui. Peut-être autour de ça, quelques autres affaires. Ça va dépendre de comment l'émission s'enchaîne et comment la superbe connexion Internet de l'université fonctionne. Parce que vous savez, un peu comme vous à la maison, des fois, quand vous manquez d'Internet, vous pouvez pas faire autant de choses. Nous, si on n'a pas Internet, on n'a pas de chronique, on n'a pas de musique dans la chronique à K1 non plus. Puis la chronique à K1, c'est là. Ouais. À 7h15, là. C'est un peu... ouais, c'est ça. Puis s'il n'est pas là à 7h15, il n'est pas là du tout parce qu'il faut qu'il aille travailler. Donc, on vous tient au courant, c'est pas grave. On commence avec Gallop de Radio Radio et ça commence à l'instant. Sur C'est Fou. Dans vos oreilles. Ah ouais? Ça, je sais pas. Puis, on a trouvé des... Ouais. Actually, trois. Nice. Il y a une qui prête à Danny Song de Anne-Marie. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ballon, that's right, c'est comme le bel de bord. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ballon, that's right, c'est comme le bel de bord. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ballon, that's right, c'est comme le bel de bord. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ballon, that's right. C'est comme le bel de bord. Yeah. Je harbe en cheval avec des stocks de métal. Mets des feux blue navy, ça c'est gravy. Ça c'est mon cheval avec un Seabiscuit belle jambe. Ça c'est ça j'appelle un underdog. J'ai gagné au bal avec mon cheval. Je m'installe en dessous des gradins qu'on met la bague. Qu'est-ce t'attends mes cotton balls. Ma overall, je porte bien mes coveralls. Covert mission, indecision, ça c'est pas wrong. Ça c'est la right side of the wrong. Qu'on peut vendre les news. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ballon, that's right, c'est comme le bel de bord. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Ballon, that's right, c'est comme le bel de bord.

ça finira dans un bain de sang. Ça finira dans un bain de sang de Reine de France, nouvelle entrée du palmarès francophone. Ici, même à l'assemblage requis. Et il est 7h14 minutes. Oui! Incroyable! Lundi 16 avril 2012. Hey. L'avant-dernier lundi d'assemblage requis dans le format que vous connaissez actuellement. Exactement, celui que vous connaissez, que vous appréciez énormément, j'en suis certain. Espérons-le, oui. On va revenir avec une autre formule que vous appréciez, celle de l'été, à partir de la semaine suivante, là, pas la semaine prochaine, mais d'après. Ouais. Avec notre nouveau format estival, même que l'année passée, vous allez voir, toujours en bateau de croisière. Est-ce qu'on a une journée, non? Oui, le jeudi. Ah oui? Jeudi. Décidé. Oui, 13h à 17h. OK, parfait. Voilà. Génial. C'est pas tout le monde qui le sait, en fait. Les gens qui devraient savoir ne le savent pas nécessairement, mais c'est ça pareil. C'est ça, puis c'est tout. On écoute Mauve avec Chérie, écoute-moi, puis après ça, c'est Kiwan en cavale. Dans la lueur de l'oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasaient. J'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les avocatiers, mon cœur j'ai semé pour que tu puisses enfin y goûter. Chérie, écoute-moi par Mauve à Assemblage requis. Et on a réglé le problème pour la connexion Internet. Là, j'avais écouté les chansons hier. OK. Fait que je vais pouvoir les chanter à la fin dans le bloc de Kiwan. Ça va sonner exactement non, pareil. Non. Donc, on s'en va chercher Kiwan. Le voici en cavale. Bon matin, Kiwan. Hey, bon matin à vous. Comment ça va? Ça va bien. Bon. Vous avez des petits problèmes, on dirait. Ben, on n'a pas d'Internet du tout. Ça arrive, ça. Ça arrive. C'est dur, quand même, la vie sans Internet, hein? Mais hein, on peut même pas faire de contenu dans notre émission. C'est plat. Une chance que t'es là, par contre. Ah, ben oui, quand même, moi, je suis là. T'es un homme de pertinence. Ouais, puis je dépends pas d'Internet, quand même. Non, non, c'est ça. Mais une chance là. Que Mathieu, par exemple, avait downloadé déjà les chansons, parce que... Il est-tu hot, hein? Sinon, on n'aurait pas pu faire la chronique, je pense. C'est ça. Mais bon, peu importe. T'as trois pièces à nous faire entendre d'un groupe canadien, Kiwan. Oui, en fait, je vais vous parler d'un spectacle que je suis allé voir en fin de semaine à Calgary. C'est un spectacle qui est au Palomino, sur une place dont je vous ai déjà parlé, qui est un bar assez rock, là, où les spectacles d'habitude sont assez rock. Et il y a des spectacles à chaque samedi. Je regarde souvent la programmation, puis j'écoute les groupes sur Internet pour voir de quoi ça a l'air. Puis la plupart du temps, là, c'est des groupes... la plupart du temps, c'est des groupes locaux de Calgary, puis c'est toujours un son alternatif... Qui se confond toujours là, d'un groupe à l'autre. C'est souvent des bandes alternatives qui n'ont pas trop de punch. Puis en fin de semaine, il y avait Hunger Hush qui était là, que je connaissais pas, qui est un groupe de Calgary. Et puis j'ai écouté sur Internet quelques pièces, puis je trouvais qu'il y avait l'air d'avoir des... En fait, quand on écoute les pièces de l'album, il y a quand même des arrangements qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont différents, qui sont pas juste là, du gros hard rock très, très flat. Donc, j'ai décidé d'aller voir ça en fin de semaine. Finalement, j'ai été un peu déçu par la tête d'affiche Hunger Hush, qui était le groupe de Calgary, parce que finalement, sur scène, le peu de relief qu'il y avait là, dans leur musique a vraiment pas paru sur scène. Même dans leur musique, il y a des arrangements de cuivre, mais évidemment, en spectacle, il était pas là. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment personne dans le groupe qui les fait officiellement. Donc, sur scène, c'est un petit peu décevant, finalement, mais j'ai quand même décidé de vous faire entendre une pièce de leur... De leur EP, qui était à mon avis la meilleure. En fait, c'est le premier extrait, l'extrait officiel de cet album-là. C'est la pièce qu'on joue en dernier. Et c'est quand même la meilleure du groupe. Ça s'appelle Gold Rush. Et c'est ça, le groupe a seulement un EP. C'est sorti il y a un an, en avril 2011. Puis ils préparent un album bientôt là, pour l'automne prochain. C'est pour ça là, qu'ils ont commencé à refaire des spectacles. Et le groupe, étonnamment, était quand même assez connu à Calgary. Il avait l'air d'avoir vraiment beaucoup de fans qui étaient là pour les voir. Est-ce que ça manquait de gens qui s'entretuaient comme dans The Hunger Games? Parce que tu sais, il y a le même mot dedans. Ah ouais, non, c'est ça. Il n'y avait rien à voir. Finalement, j'étais un peu déçu. C'est ça. Ça manquait d'une belle fille qui fait du tir à l'arc. Et Colin. Ah, j'ai pas autant de références, par contre, dans ouais. le game. Je me disais bien que j'allais trop loin. Donc, voilà pour Hunger Hush. Moi, j'ai plus préféré la première partie, qui est un groupe de Vancouver qui s'appelle Real Boys, que je connaissais pas, mais dont certains membres jouent aussi dans d'autres groupes. En fait, c'est un projet parallèle. Real Boys est le projet parallèle du chanteur du groupe Ono Yoko, que je vous avais jamais présenté, mais qui a attiré mon attention il y a déjà un petit bout de temps. Le groupe Ono Yoko avait été en nomination aux Bucky Awards pour le meilleur nom de groupe. Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est déjà... si on rien que ça, tu sais, c'est déjà un bon point pour eux, t'sais. Ben c'est ça, c'est pour ça qu'à cette époque-là, je n'étais pas trop attardé non plus, parce que je m'étais dit, bon, c'est pas parce que le groupe a un nom original qui est nécessairement bon. Des fois, c'est une gimmick pas mal, ça, tu sais. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment un très, très bon groupe, Ono Yoko, et c'est un groupe qui est quand même pas si connu, mais quand même dont des membres du groupe ont déjà d'autres projets qui marchent en parallèle. C'est un groupe de Vancouver. Donc, bref, les deux groupes, Real Boys et Ono Yoko, sont de Vancouver, ou plus précisément de Abbotsford, là, qui est comme un genre de banlieue de Vancouver. Et dans le groupe Real Boys, on retrouve aussi, donc, Real Boys, c'est le projet du chanteur de Ono Yoko qui s'appelle Everett Morris. Et on trouve aussi Stephen O'Shea, qui est le bassiste du groupe You Say Party, We Say Die. Oh, ben oui. Bon, donc, il y a quand même des membres notoires dans ce groupe-là. Mm-hmm. Vraiment, Real Boys, c'est un son que j'ai adoré, qui ressemble un peu... C'est ça, là, Ono Yoko n'est pas très connu, mais je trouve que pour un projet parallèle, les deux groupes se ressemblent quand même beaucoup, des sons assez quand même similaires. Puis j'ai pas vu tant de ressemblances avec You Say Party, mais c'est quand même un très très bon groupe. Les Boys, eux, ont sorti leur premier EP. En fait, le groupe est tout récent, il a été formé en 2011. Et ils ont sorti un premier EP dans les dernières semaines. C'est un peu un genre de tournée de lancement qu'ils faisaient là, ici à Calgary, pour lancer ce EP-là, qui s'appelle tout simplement Real Boys. Cool. Donc, on va écouter la pièce Vacation de Real Boys. Mm-hmm. Et tant qu'à faire, je pensais qu'on pourrait aussi écouter une pièce de Ono Yoko, parce que c'est ça, après avoir été voir le spectacle, je me suis vraiment attardé sur ce qu'il faisait. Et puis, c'est vraiment un très, très bon groupe, Ono Yoko, qui est quand même assez jeune, lui aussi. Ça fait quelques années que le groupe existe. Ils ont sorti leur premier EP qui s'appelle Popo ou Papa, je sais pas trop comment dire. Parce que Popo, on sait tous ce que ça veut dire d'autres choses. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça s'écrit P-A-U, P-A-U. Donc, okay. J'oserais dire Papa, mais bref. Donc c'est ça, ce EP-là est sorti en juin 2011, donc ça fait pas tout à fait un an encore. Et on va écouter la pièce qui a l'air d'être l'extrait officiel, qui s'appelle Hatshepsut. Ah oui. Qui est en fait le nom d'un pharaon égyptien. Ah! Quand même, hein? Oui, c'est quand même original. Il y a des références culturelles dans le groupe au nom farfelu pour le loco. Bon, donc on va les écouter dans l'ordre que tu nous as mentionné. Donc Hunger Rush au début, ensuite Real Boys et après ça Ono Yoko. Ça te va comme ça? C'est parfait. À la semaine prochaine, Merci Kiwon. Merci beaucoup, Kiwon. Ben oui, à la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Ouais, exact. Exactement. En tout cas, on a hâte de te reparler. Ben moi aussi. À la semaine prochaine. Salut, bonne semaine. Salut. Bye. Kiwon en cavale en direct de l'Alberta. So deep we couldn't sleep, searching for that light inside. It's getting thin, the oxygen. Hold your breath and get set. Our cave implodes just to let it ride. Gold rushing, oh, gold rushing out of my soul. On down the mountain side and break on through your ocean tide and go rushing, oh, go rushing out of my soul, I push it. On down the mountain side and break on through your ocean tide. Is great, ours to take, pockets filled with hard thrills, and all that's left is the getaway. But what pursues is a sick ruse, the fear of life and the full light. Please don't let us fade away. Go rushing, no. Out of my soul, I push it on down the mountainside and break on through your ocean tide and go rushing, no, go rushing. Out of my soul, I push it on down the mountainside and. get. A Chip Suit de Ono Yoko, précédé de Real Boys avec Vacation, et on a débuté avec Gold Rush de la formation Hunger Hush à Assemblage Requis, c'est dans le bloc Kiwan en cavale. Merci beaucoup, Kiwan. Oui, merci. Hey, qu'est-ce qu'on fait sans lui? Ouais. Ah. Une fois par semaine, c'est pas assez. C'est ça, exactement. Et la semaine prochaine, ça sera déjà la dernière. Eh bien, flûte à bec. Flûte à bec. On prend une pause et on vient avec plus d'Assemblage Requis, et entre autres, la chronique Tais-toi et cuisine de Xavier Antoire. Ça. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. The feel of the breeze, the smell of the trees under my brow. I'm Yukon Blonde avec la pièce Stairway qui se retrouve d'ailleurs sur le palmarès de C'est fou. Hein, animé par, vous le savez bien. Ouais, j'aimerais mieux pas le savoir, en fait. Non. Par Mathieu Plante. Par Mathieu Plante, exactement. ouais. Formidable. D'ailleurs, les palmarès cet été ne seront pas présentés. Fusion entre Assemblage Requis et les palmarès C'est fou tout l'été, comme à chaque année depuis, dans le fond, pas mal de temps quand même, depuis le début d'Assemblage Requis, je pense. On fusionne les deux concepts ensemble, donc une émission de 4 heures au lieu de 3, tu sais, contrairement au palmarès C'est fou, maintenant, avec le contenu d'Assemblage Requis, donc les chroniqueurs de l'émission, mais aussi le palmarès francophone une semaine, anglophone l'autre semaine de C'est fou. Donc vraiment, c'est une fusion des choses. Ça s'appelle La vie de croisière d'Assemblage Requis et ça commence dans 2 semaines. Parle-nous de ça. Ben, c'est ce que je viens de faire, ouais. Hey, Mathieu, je te parle des soirées cachées de C'est fou. Tu sais, en fait, qu'il y en a une ce soir. Okay. C'est à Poste où? Oui, non, mais non, mais non. C'est à Poste qui? Non, mais non, j'ai entendu aussi. Écoute, on dévoile ça en grande première ce matin. J'imagine que ça doit être déjà sur les réseaux sociaux, mais oui. On n'a pas accès, donc on ne sait pas. Mais c'est ça, exactement, ça se déroule. Écoute, ça commence à partir de 22h30 ce soir. Et ça se déroule du côté de la galerie d'art. Ça, en fait, là, c'est au bout du corridor où c'est le 10-12. Oui. Le pavillon des Rébauchemins. Ah, c'est la galerie d'art. Oui. J'avais entendu dire que c'était la chapelle, moi. Non, c'est la galerie d'art. Non, c'est la galerie d'art. Eh bien, tant mieux. C'est ça, exactement. OK. Eh bien. Ouais? Ouais. On est sûr? Ouais. Ouais, ouais, exactement. Et la formation, c'est Mauve. Oui, Mauve. La formation, c'est Mauve. Et puis, la première partie, ça va être les Rescapés. Les Rescapés, d'ailleurs, ils avaient fait la première partie de Vulgaire Machin. C'est Roy Dupuis, là. Non, non, pas l'émission. Mathieu Plante. Oh, en fait, j'ai jamais écouté cette émission-là. Ça a l'air bon. Ouais, tu trouves ça? Ben oui, le preview, là, la bande-annonce. OK. Ouais. Mmh. Donc, c'est ça. C'est à partir de ce soir, la formation Mauve et puis la formation Les Rescapés. Ça commence à 10h30, 22h30. Parfait. Donc, présentez-vous en grand nombre. Évidemment, c'est gratuit. Étudiant, pas étudiant. C'est ouvert à tous. Donc, Allez-y, c'est la deuxième, dernière de la session déjà. Oui, exactement. Ça devrait recommencer l'année prochaine. OK, déjà. Oui, de source sûre. Parfait. Ah ben justement, allons entendre Mauve. On les écoute plutôt dans l'émission avec Chérie, écoute-moi, qui est la pièce du palmarès dans ce moment. Mais si on retourne en arrière, on peut retrouver, comme si on allait dans le passé avec Roy Dupuis, là. C'est ça, c'est une émission qui retourne dans le temps, ça, je pense, c'est Rescapé. Je sais pas. On écoute Annie Hall. Ah, c'est fou. Dans vos oreilles. Son parfum. se regarder toute la journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour. La réalité pour mieux continuer de rêver. Mon amour, ne plus jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer. Mon amour, pardonne-moi si tu savais. Pour toi, j'aurais. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, plus la peine. J'ai préféré me défiler. Mon amour. Je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie? Si parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. Marie-Pierre Arthur et les pièces Si tu savais sur l'album aux alentours au 89 FM, c'est fou. Il est 7h49. Dans quelques minutes, une dizaine de quinzaine environ, ça va être la chronique de Xavier Antoire, Tais-toi et cuisine. Oui, exactement. Je pense qu'il nous parle de thé glacé. Ah oui? Il nous parle et nous amène. Mais espérons-le. C'est ce qu'on lui avait demandé oui. La semaine dernière. Ici, je suis pas les arbres, il est dehors dans deux semaines. Ouais, c'est ça. Hey, c'est pas ta dernière, là, mais ça achève. Ouais. Bon. Donc, ça revient tantôt. On va aussi avoir le tour du journal Zone Campus plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, voici Islands et Hallways sur C'est fou. La pièce 5.0 dont a créé un monstre, eux qui étaient les premiers dans la série des soirées cachées, c'est fou. Oui, exactement, qui se déroulait du côté de Michel Sarrazin dans le mois de mars. C'est ça, exactement. Et puis là, aujourd'hui, ce soir, ça va se dérouler ici même dans le pavillon des Rébeaux-Chemins à partir de 22h30, si je ne me trompe pas. À la Galerie R3. Oui. Voilà. Alors, on prend une petite pause et on revient avec du thé. Et Xavier Antoir, restez avec nous. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 16 avril 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Blanc. Oui, nous sommes toujours à l'âge de Pierre aujourd'hui, assez fou. Oui, exactement. Il n'y a rien qui fonctionne. On n'a pas Internet aujourd'hui. Non. Ça arrive, c'est comme ça, mais il n'y aura pas de contenu tant que ça. Alors que Xavier qui s'en vient avec sa chronique Tais-toi et cuisine. Et on s'arrange pour vous parler du journal Zone Campus tantôt. Un nouveau numéro qui sort aujourd'hui. On a hâte d'en parler. En couverture, on trouve les 40e mérites sportifs de l'UQTR. Et on parle entre autres des athlètes de l'année. Oui, exactement. Le gala des Patriotes. Ça va être très bon, c'est en fin d'émission tantôt. Mais avant ça, on écoute Robopop. Voici Planétarium. Ça, c'est fou. La caresse triste et sans histoire. Lorsque la destination est la souffrance et le deuil, le train est plus rapide que l'œil. Wagon fantôme prend de la vitesse, chantant au loin un cri de détresse. En quelques secondes je vieillis d'un million d'années. Si je me trompe de station, je crois que ma tête va exploser. Le froid de l'automne, la tombée des feuilles dans la moraine. La vie nous lance un ultimatum. Viens me rejoindre au planétarium. Viens voir mourir les étoiles. Viens voir mourir les étoiles. Viens voir mourir les étoiles. Viens voir mourir les étoiles. Dans la moraine, la vie nous lance un ultimatum. Le morceau If Not Now When par la formation Fred. Ah, son gars, hein? Fred! Comme Fred Guillou! Ouais, Fred! C'est ça. On aime ça. T'as compris. On aime ça. Hey, François! Mathieu? Si je peux t'appeler Fred? Non. Non? C'est pas mon nom. Non, tant mieux. On reçoit Xavier Antoir, voici sa chronique Tais-toi et cuisine. Hey! Il n'a pas chanté du tout cette semaine. Ah non, ça va pas bien, là. François m'a presque remplacé. Je le vois pas. Bien, presque. Non, mais allez. J'essaye, mais en même temps, tu sais, vu que c'est ta pièce. Mais t'as le droit de chanter. T'as le droit de chanter. Oh, ouais, mais tu sais. T'as le droit. Je l'oblige même fou après ça de la rechanter parce que je chante bien. Eh oui, tu chantes bien. Bon. Sur bon ce. Matin. Comment ça va? Ça va quand même pas mal bien. Ouais. À part quelques petites congestions par-ci, par-là. Ouais. Même quand j'étais sur la route, il y avait de la congestion. OK. Donc, le mot de la journée, congestion. Ouais, congestion de voiture aussi. OK. C'est plus ça. C'était quand même assez drôle. Ouais. Donc, aujourd'hui, on commence une petite série plus estivale parce qu'il reste seulement deux chroniques. Ouais. Et Caroline, François, je pense que tes vœux sont exaucés, les miens aussi. Oui, j'ai entendu apparemment, si je ramenais pas du thé glacé, j'allais me faire mettre dehors dans deux semaines. Oui, c'est ça, à peu près, plus ou moins. Ben écoute, t'en as ramené, puis je pense qu'on va être obligé de te montrer la porte aussi dans deux semaines. On verra. Voilà. Donc aujourd'hui en dégustation, je vous propose un poire canneberge. Donc fait partie de notre collection permanente, un thé noir avec des morceaux de poire, de pomme et de canneberge. Ça sent les petits gâteaux. Ça sent les petits gâteaux. À la poire et au... Ça goûte quelque chose. Ça sent les biscuits, quelque chose de bon. Ouais, ouais, ça sent le dessert. Là. Voilà. Ça sent très fruité. Bah, dans le fond, qu'on sent le thé en tant que tel, on a quasiment l'impression de sentir une, bah, les petites trempettes à légumes sucrés. Oui, d'accord. Et si maintenant vous le trouvez... Ouais, je trouve. Quand on sent le thé en vrac, là, pas le thé une fois infusé. Ok. Il sent encore beaucoup plus sucré dans le fond quand on le sent directement en vrac. Je vais ramener la boîte, mais je l'ai oublié. C'est pas grave. Mais parlant de différent, cette semaine, tu l'as amené en thé glacé. Oui, c'est ça. Donc, préparer un thé glacé, on double la quantité pour la même quantité d'eau et on le verse sur de la glace. Donc, on va prendre un thé concentré à la base qu'on va refroidir. La glace va le diluer et le refroidir. Mais c'est en ça même l'important, temps. C'est de le refroidir après. Donc, il faut le faire chaud à la base. Exactement. Comme moi, comment je l'ai fait pour celui-là, j'ai juste comme pris le thé normal, comme une cuillère et demie. J'ai juste rajouté une demi-cuillère de plus pour que ça goûte un peu plus. Je l'ai infusé hier soir. Je l'ai laissé au frigo hier soir. Tu le laisses infuser comme ça, puis... C'est ça. Donc, il faut l'infuser d'abord à chaud et après, on le refroidit. Sinon, on a aussi les infusions lentes, dans le fond. Prendre des gros bocaux, en fin de compte. Mettre comme des feuilles de thé, des petits fruits, etc. au fond. Remplir au tiers avec de l'eau chaude, compléter avec du froid. Donc, le chaud va, dans le fond, ouvrir les feuilles de thé, etc. Commencer à faire sortir et, dans le fond, ça va y aller progressivement par la suite. OK. Qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce qu'on vraiment on goûte la différence ou c'est vraiment... Je dirais qu'il n'y a pas de différence. Non. Dans le fond, l'infusion longue, ça permet justement de faire de très, très grosses quantités de manière, entre guillemets, plus longue en fin de compte. Puisque dans le fond, si tu es pressé, tu ne vas pas faire une infusion lente. Tu vas justement préparer ta grosse quantité de glace, doubler la quantité de thé dans l'eau pour avoir quelque chose rapidement en fin de compte. OK. Et si maintenant vous trouvez que ce n'est pas assez sucré, on peut rajouter un petit peu de nectar d'agave à l'intérieur. Oui, c'est tellement bon ça. Moi, je goûte là. Oui, ok, moi aussi, j'y vais, on y goûte. Ça sent très bon. Là, il n'y a pas d'agave dedans. Non, il n'y en a pas, justement, parce que, dans le fond, on ne va jamais mettre de sucre ou quoi que ce soit dans les thés sans accord des clients ou quoi que ce soit, dans le cas de mes animateurs. Mais c'est pas mal ça. Si moi, demain, vous voulez un petit peu plus sucré, vous pouvez en rajouter à l'intérieur. Ok. Et ça, est-ce qu'on fait comme le thé chaud? En fait, il faut laisser passer l'air aussi ou... Non, pas nécessairement. Pas nécessairement dans ce cas-là. Très bon, mais j'avoue que je le prendrais peut-être un petit peu plus sucré, moi, un petit personnellement. Peu plus sucré. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Ça, ouais. Jamais? Qu'est-ce qu'il y a? Une cuillère pour brasser. Une cuillère pour brasser, c'est plus pratique. Vas-y avec ton nectar d'agave, tu vas voir comment ça goûte bon, mais verse-en dans la cuillère, puis après ça... C'est ça, parce qu'on peut être assez surpris d'à quel point l'agave peut être sucré, en fin de compte. Ouais, lèche la cuillère, c'est ça l'important à la fin, parce que c'est tellement bon. Ça, comme ça, c'est pas pire? Je dirais que c'est pas mal correct pour le format du verre. En passant, lèche pas, parce que je vais en mettre moi aussi dans le... Et soit dit en passant, l'agave se dilue extrêmement... La gaffe s'est diluée extrêmement bien, autant dans le chaud que dans le froid. Ouais, c'est pour ça, ça que dans le fond, pour le thé glacé, c'est un petit peu ce qu'on va recommander. Parfait. Même en brassant un grand verre directement avec le poignet, ça se fait très, très bien. Si vous, est-ce que vous avez des petites des pailles de nectar d'agave qui oui, sont en plastique aussi? Exactement, c'est des pailles. Pailles? C'est ça, bah dans le fond, oh, c'est ouais. des pailles en plastique avec de l'agave à l'intérieur. On en a saveurs différentes. Nature, noix de coco et lime. Ah oh, ça je savais pas ça par contre, c'est intéressant. Donc dans certains cas comme si on prend un thé aux agrumes, c'est justement agréable de rehausser encore plus avec un petit peu de avec un petit peu d'agave à la lime, genre. Mm-hmm. Ça je te pense ça. Ben plus tard. Là. Okay. Ça va être un peu compliqué, je passe de loin comme ça. Mais, ouais. Je peux le transférer. Non? Oh, ouais. On va faire ça à la radio. On va transférer les affaires. Ok, parfait. Hop là. C'est vraiment un mouvement. Wow. Hey, c'est du travail à la chaîne. Là. On aime ça. On aime ça. Good. Wow, merci. Tu peux y aller. Avec le nectar. C'est bon. C'est meilleur. Ben, voilà. Je trouve. Personnellement, je trouve ça meilleur. Parce qu'il y en a justement qui n'aiment pas rajouter de la gaffe pour goûter vraiment le thé à la base. Ouais. Mais dans le fond, la gaffe permet de rehausser les saveurs de fruits de manière générale. Ah, avec la gaffe, c'était carrément bon. Ouais, ouais. Ah, ouais c'est ouais. vraiment bon. Ça tombe plus ce format de jus. Exactement. C'est moins ça amer. Ça goûte plus ce qu'on est habitué de connaître comme le exactement. Comme thé. Exactement, oui. Là, on a refait bon. Le mouvement contraire pour la cuillère, tout va bien. Mais sauf que là, ça ne va pas retourner jusqu'à François. Non. sauf si tu en voudrais un petit peu plus. Non, c'est parfait. Ouais. Non, moi, tu je t'en remettrais? Non, ça va, c'est parfait. Je trouve que ça goûte vraiment excellent. C'est très, très bon. J'ai envie de m'en faire, tu sais. Mais tu peux. Mais c'est pas compliqué. Je suis un grand paresseux, c'est... Et il me regarde beau là. Avec un chandail Scooby-Doo, oui, je veux bien le croire. En effet, merci. Moi, on aime Scooby-Doo. Oui. Mais oui. D'autres saveurs là, qui seraient parfaites là, pour du thé glacé, ça peut ressembler à quoi? Je lis dans mes pensées, c'est exactement ce que j'allais dire. Je dirais que tout ce qui est fruité, agrumes, généralement, est très bon en thé glacé. Ok. J'ai déjà connu certains clients qui venaient prendre des thés verts traditionnels en thé glacé aussi. Ah ouais, bah on a été surpris la première fois. Si mettons, on pourrait peut-être comparer pour un cappuccino glacé, mettons peut-être prendre quelque chose au chocolat pour faire ton oui, thé glacé. Oui, exactement. Mais même là, on va passer de la catégorie latte glacé. Ah ben oui, encore mieux. Latte glacé, ça va être la semaine prochaine. Oui. Oh ouais, pour la dernière. Oh ouais. On va se gâter la semaine prochaine. Okay. Puis c'est ça, je vais vous ramener des lattés glacés. Donc, en thé glacé, je vous dirais tout ce qui est extrêmement fruité, autant théiné, pas théiné. En thé noir, je vous dirais que je vous suggère Jardin d'Earl Grey, donc un mélange de bergamote, fraise, framboise, cassis, poire canneberge, les morceaux de pomme, poire et de canneberge. On aurait aussi le thé aux trois vœux, mélange de thé vert et de thé noir avec des essences exotiques, graines de tournesol, pétales de rose à l'intérieur. En thé vert, on aurait éclat de lime, vert séduction. En thé blanc, grenade intense, mangue démente. Dans les centéines, sans caféine, dans les rooibos, parfait pour les personnes sportives qui vont aider justement à réassimiler dans le fond tout ce qui est minéraux, réhydratation. Okay. Donc pour les personnes qui font beaucoup de sport, vert et fruité, on va vraiment pas hésiter avec les morceaux de pomme, papaye, pêche et mangue. Fleur d'oranger, mélange de raisin, souci avec un petit peu de zeste d'orange à l'intérieur, vanille. En tisane, on aurait Jungle en folie, notre hautement caféiné, vous savez, le pichet que j'ai chez moi tous les matins. Ben oui. Donc, Jungle en folie, piège à ours, mélange de fraises, framboises, cassis, mûres, sureau, verveine. Ça, est-ce que je me trompe, mais tu sais, mettons, rajouter peut-être pas de zeste, mais un peu de jus pur d'orange, ou des, ça peut rajouter, ou à la limite, ça va masquer le goût. Ben, vous pouvez très bien, comme préparer des pichets entiers, puis mettre des tranches de citron, d'orange à l'intérieur. Mm-hmm. Très bonne idée, très bonne idée. Oui. Faire ça avec de l'alcool aussi, faire un petit drink, pas pire. Exactement, ça. Rajouter un petit peu de tequila, de rhum, de vodka. De... Au soleil, là. Ouais. Hein, sur la terrasse. Ouais. Ça va bien. Avec une petite paille, ça se boit comme beaucoup trop vite. Oui, mais bon, boire de l'alcool en étant au soleil, je pense qu'on se déshydrate un petit peu rapidement. Mais. Bon, au pire, faites-le avec des rooibos, ça va compenser un petit peu. Voilà. Ça fait un effet, c'est important. Est-ce qu'on peut le faire aussi avec de la tisane ou. C'est exactement ce que je disais, comme Jungle en folie qui est une tisane. Ok, c'est une tisane, ça. Piège à ours, thé de canapé. On aime le thé de canapé en thé glacé. Le quoi? Le thé de canapé. Canapé. Oui. Dans le fond, le thé de canapé, c'est une tisane, contrairement à ce que son nom le dit, qui a été créée spécialement dans le fond pour la fondation Canapé, qui est une fondation montréalaise qui s'occupe dans le fond de la reconstruction d'Haïti dans les zones les plus défavorisées, petit à petit. Et on a créé ce thé-là spécialement pour eux et tous les bénéfices faits sur ce thé-là. Retourne directement en Haïti. Et, exactement, à la Fondation Canapé, intégralement, on ne fait aucun profit sur ce thé-là. Ah, c'est une bonne idée. Donc, celui-là, dans le fond, c'est un mélange de morceaux de banane, de mangue, de noix de coco, un petit peu d'hibiscus. Donc, il est extrêmement fruité. Celui-là, il est comme tellement fort que quand je le prépare en thé glacé, J'avais même pas doublé la quantité non. pour celui-là. Ah non, même pas. Je garde dose simple, je laisse infuser plus longtemps, genre à 10 minutes, et après je le passe sur la glace. Eh ben. Mais pour ceux qui aiment vraiment ce qui est très bon, jus, ouais. il est bon. J'imagine que c'est l'hibiscus hein, qui vient rajouter le côté amer, peut-être, oui. ou le punch là, du... Exactement, comme dans la collection d'été aux agrumes. Oh, c'est ça que j'ai oublié de vous faire goûter. Oh, va falloir... Parle-nous-en, parle-nous-en. Va falloir que vous passiez au magasin. Oui, c'est sûr. N'est-ce pas, François, que j'attends depuis... Je sais. Hey, je vois jamais où je viens. Mais tu fais bien en même temps. Mais... Ouais, je vois jamais magasiner. Voilà. Mais cet été, écoute, je te promets, toi, t'es là quand, en fait, pour les auditeurs qui aimeraient bien aller... Ben, ceux qui veulent vraiment parler avec moi directement, parce que toute l'équipe est pas mal compétente de manière générale. Non, c'est pas ça que c'est aucunement ça que je voulais dire, mais tu sais, idéalement, quand t'entends une personne et je comprends aussi pour parler souvent de ce que j'ai abordé dans les chroniques aussi, c'est un petit peu normal. Je dirais que généralement, je suis là comme jeudi, vendredi, dimanche, lundi, assuré. Ok. Le samedi, je suis là si moment on est à court de staff. Mardi, mercredi, c'est mes journées off. Ouais. Ça veut dire qu'on n'aura pas de chronique de ta part cet été, malheureusement. Malheureusement, exactement. Et voilà. Et j'en suis désolé, je vous aurais ramené plein pour la fin des choses. C'est correct. Surtout que sur un après-midi, on aurait pu se permettre de prendre un peu d'alcool. Eh ben oui, c'est sûr. Ah, ça tombe dans mes mains. Oui. Je veux changer de jour. Ouais, il est fâché. Mais voilà, c'est pas mal ça. Puis dans le fond, pour amorcer un petit peu la chronique de la semaine prochaine, oui. En latté, ça va être tout ce qui est vanillé, chocolat, crémeux. Donc on va penser, dans les thés traditionnels, on pourrait avoir comme pas mal... tout, surtout les thés noirs dans le fond en thé glacé, en latte glacé, je les aime bien. Tout ce qui est explosion chocolatée, thé d'amour numéro 7, lisez sur mes lèvres, le puer orange chocolat. Dans les thés blancs, on aimera beaucoup, son nom m'échappe, échec et mat, mélange de thé blanc et de thé noir avec un petit peu de camomille. Dans les tisanes, promesse de mûrier, on adore. Et dans les rooibos, ça va être du style crème brûlée ou chai, coco, chai à cannelle. Et toute la gamme des chais, bien évidemment. Oui, c'est très, très bon. En tout cas, si tu nous amènes des lattés la semaine prochaine, je dirais, là, t'es le bienvenu. Bon. Je ne réagirai pas là-dessus. François, on s'en va? Bien, non, on réagit pas. Ça passe. Ça passe. Ça tombe dans l'oubli. Hein? Hey Mathieu! Oui, je suis d'accord. Allô. Merci Xavier. Ça fait plaisir. Hey, merci beaucoup, oui, c'est très apprécié. Oui. Et moi je vais terminer mon. Ton verre? Oui, Ah, t'as tourné, c'est des shooters, là. Oui, je vous fais des petites dégustations. C'est bon. Parce que sinon, il aurait fallu des grands verres et puis j'avais pas le contenant assez grand pour vous faire. Une petite question aussi, juste en terminant. Est-ce que le nectar, tu peux l'ajouter dans l'eau chaude? Oui. Mais dans le fond, l'agave se dilue autant dans le chaud que dans le froid, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc même dans les thés chauds, c'est conseillé. Ou même juste dans de l'eau chaude, là, maintenant. Exactement, ouais. Ça fait quelque chose de légèrement crémeux, mielleux. Même dans tout ce qui est pâtisserie, cuisine, etc. Quand vous avez préparé la viande, dans le fond, le porc mariné dans le oolong tiekwanyin, vous avez rajouté un petit peu d'agave à l'intérieur. Okay. Donc même en cuisine, quand vous avez des sauces à préparer avec du sucre ou du miel, remplacé par de l'agave, c'est tout aussi agréable. Tu peux aussi le mettre directement dans ta bouche. Oui, ça fait une petite collation. Vraiment, En cas de crise d'hypo ou quoi que ce soit, ça remonte un petit peu. Pas besoin de raison. Non. Xavier Antoine, merci la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Lundi à 8h. Nous, on te dédie les revenants. Voici Beau danseur. On l'a-tu l'affaire? On l'a l'affaire. car, je veux entendre ta voix jusqu'à ce trop tard. Oh, parle-moi encore, parle-moi, c'est d'accord. Je veux entendre ta voix jusqu'à ce trop tard. Retour en avant-goût du prochain numéro du journal Zone Campus à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Le plan de demain à Assemblage Requis. Le plat favori de Stéphanie Gagné. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a... Qui c'est qu'on a demain? Attends, je sais pas. Qu'est-ce que... L'Internet qui fonctionne. L'Internet qui fonctionne. J'espère. Espérons-le. Demain, on est supposé avoir Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, avec sa chronique littéraire, c'est demain dès 7h à Assemblage Requis. Merci. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Requis. C'est des fois, on dit qu'il faut se faire confiance dans la vie. Mais il faut aussi pas trop se faire confiance. Quand tu penses que tu sais par cœur qui va être là demain, tu sais pas finalement. non, mais c'est mêlant aussi parce que, ouais. En fait, là, ils sont jamais là. Pas qu'ils sont jamais là. Non, mais ils sont pas souvent là. T'sais. C'est ça. Des fois, ça alterne. C'est comme ça. Là, en fait, on n'a pas Nicolas Duchal. Non. Mercredi, on n'a pas Jasmine. Non. Qui, je pensais qu'elle allait nous parler des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Évidemment, ça brasse beaucoup. J'aurais bien aimé. Ouais. Et on sait que c'est un sujet très peu couvert, donc vous allez devoir chercher vraiment longtemps pour avoir ces résultats-là. C'est... Oui, effectivement. Ouais, ouais. Ça, c'est plate. C'est ça qui est dommage. Ouais. Hey, un journal qui parle de choses que y a pas grand monde qui en parle, finalement, c'est Zone Campus. Tu connais ça? Oui. Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Tu vois que le détecteur du mot zone campus, ça y a pris deux fois avant de comprendre zone campus avant de partir l'intro. Et là, d'ailleurs, ne fonctionne plus, d'ailleurs. Non, d'ailleurs, non, même si je dis zone campus, non, je pense que c'est la fin de la session qui arrive. Ah, il est fatigué. Il y a eu trop de thé glacé, la tequila. À la tequila. À la tequila. Tequila. Donc, Zone Campus cette semaine pour l'édition du 16 au 29 avril 2012, on a mis cette numéro 16. Hey, la dernière de l'année. Je sais bien, c'est quoi cette affaire? On aurait pu décaler d'une semaine, ça aurait fini plus avec la session, mais c'est comme ça. Donc, numéro 16, avec sur la couverture, les 40e mérites sportifs de l'UQTR, où Caroline Lapierre-Lemire et Pierre-Luc Lessard ont été nommés athlètes de l'année. Mais on y reviendra une fois qu'on sera rendu en sport. Au sport! Commençons par les actualités avec l'élection du nouveau conseil exécutif de l'AGEQTR. Peu de campagne, beaucoup de participation, nous dit-on. Le nouveau conseil qui est formé de Mathieu Roy, Anne-Julie Durocher, François Arcan, Ludovic Nadeau, Malik Diagne, Jasmine Raymond-Drinville, Pascal Goulet et Mathilde Deloisel-Davidson. Donc, plus d'informations sur eux dans le Zone Campus. On parle d'une reprise partielle de la grève à l'UQTR. Vous le savez peut-être qu'il y a environ 2000 personnes qui sont retournées en grève depuis qu'on avait arrêté la grève générale illimitée il y a quelques semaines de ça. Donc, ça repart de plus belle. À la 47e finale des Jeux du Québec, on recherche 4000 bénévoles. Il y a les Journées du partage des connaissances, une première édition concluante. À la délégation UQTR 2012 au Happening Marketing, des performances constantes. Moi, tu vois, quand je lis, c'est... je sais pas pourquoi mon œil a envie de dire des performances consternantes, mais non, c'est des performances constantes. Ils se maintiennent. Et voilà. En pleine face, la chronique de Simon Fitzbé nous parle d'une année mouvementée. Il parle entre autres de la GUQTR, du départ de Stéphane, le boss de la chasse-galerie, de l'arrivée du nouveau patron. L'arrivée de la nouvelle rectrice, Mme Ghazali, et puis de la grève. La grève d'ailleurs qui a fait couler beaucoup d'encre cette année. Oh oui. La clinique podiatrique communautaire est l'initiative à saluer. C'est l'association des étudiants en médecine podiatrique de l'UQTR qui a eu l'initiative de créer la clinique podiatrique communautaire qui prodigue des soins à des itinérants en collaboration avec l'accueil Bonneau à Montréal. Tant mieux, félicitations. Oui, exactement. Il y a aussi une conférence de Bernard Landry qui a eu lieu le 29 mars dernier à l'UQTR. Donc, on nous parle de sa vision. Voilà pour la section actualité. Pour la section société, il y a Michael Manier qui nous parle évidemment des poètes. C'est quoi être un poète aujourd'hui? Ça a beaucoup changé. Il y a aussi Jean-François Veilleux qui nous parle des 10 dates historiques à commémorer au Québec en 2012. On retrouve aussi un article de Sébastien Dulude avec sa chronique mondaine, d'ailleurs, qu'on va pouvoir l'entendre la semaine prochaine ici à Assemblage Requis. Exact. Et Marie-André Gauthier qui nous parle d'une anecdote, la fois où elle a couché avec une fille. Et c'est très détaillé. C'est très détaillé. C'est ce qu'on aime. Ouais. Il nous restait des jeux. Oui, le fantasque, évidemment, et puis la section jeux. Voilà, et comme c'est la dernière édition de la session, c'est pour ça que tous les chroniqueurs participent dans le même journal ou presque. Non, tous, je pense. Oui, je pense que oui. Dans la section art et spectacle maintenant, on revient sur l'événement Cinetica. Cinetica qui fait son cinéma. C'est le spectacle de la troupe Millennium qui avait lieu les 3 et 5 avril dernier ici à l'UQTR au 10-12. À la fin de la session des soirées au coin du feu, on dit prostitution, oui, et vieux presbytère, un mélange éclaté. Intriguant. Dans le coin de la Luitre, maintenant, les Verts affrontent les Rouges en finale. Match qui aura lieu le 16 avril, donc ce soir. Oui, c'est ça, exactement. C'est la finale. Voilà, la finale de la Luitre. C'est le même soir que notre soirée cachée, malheureusement. Mais les deux sont pas en même temps, donc ça... Non, c'est ça, exactement. Je pense que les soirées cachées, on attend que la Luitre finisse. Voilà. Donc, on invite les gens à venir par après. C'est dans le même pavillon, évidemment. Donc, c'est vraiment pas très loin. C'est une excellente soirée, d'ailleurs, que vous allez passer. C'est clair. La tournée des finissants humoristes, les futurs humoristes de passage à Trois-Rivières. Donc, c'est les finissants de l'École nationale de l'humour qui ont débuté leur tournée d'une quarantaine de spectacles à travers le Québec. Un groupe à découvrir, des Unplugged, qui étaient en spectacle le jeudi 5 avril dernier à la Chasse-Galerie avec Around Joshua. Et qui participe actuellement, d'ailleurs, au concours Les Mardis de la Relève du Grand Brunus. Exactement. Vous pouvez les retrouver sur myspace.com/band The Unplugged. Les Cowboys Fringants avec une critique de leur spectacle du 31 mars dernier. On parle du nouvel album de Country Trash de Lisa Leblanc. C'est, album que t'adores, hein, Mathieu Pense? Moi, je suis un fanatique, là, fini. Fini. Je suis aussi un fan très, très fini de Francis d'Octobre, tournée qui tire à sa fin, hein, et il y en a pour tous les goûts là-dedans. Ouais, c'est ça, exactement. Pour tous les goûts. Voilà pour la section art et spectacle. Merci, Mathieu. Du côté des sports, évidemment, on revient sur le 40e Mérite sportif. Édition de souvenirs. Évidemment qui a couronné les Patriotes, que ce soit tous les sports confondus. Là. Donc, on peut retrouver d'ailleurs 133 609 qui a été remis en bourse cette soirée-là et ça se déroulait évidemment. Juste une petite seconde. Ça se déroulait. Je cherche aussi. Là. Bref, ça se déroulait la semaine dernière. C'est ça. Je sais même pas si la date est dans l'article. Je sais pas, en fait, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. C'est pas grave. On a aussi Maxime Pronovost qui nous parle des Patriotes finissants. Évidemment, on revient sur les sportifs qui ont été diplômés. Il y a un bilan aussi des hockey des Patriotes, d'ailleurs, qui n'ont pas duré extrêmement longtemps au championnat canadien. Ils se sont fait sortir à la première ronde. Donc, l'équipe de hockey, ça? Oui, ouais. Exactement. Donc, on fait le petit bilan de ça. Post-mortem aussi d'une équipe glorieuse. Ça, évidemment, on parle du soccer masculin. On parle du soccer féminin aussi, au-delà de nos attentes. D'ailleurs, qui ont perdu en finale, donc se sont ramassés avec la médaille d'argent. Et puis, on retrouve aussi la chronique de Maxime Bilodeau avec sa chronique d'une foulée à l'autre. Et évidemment, on parle de la science et l'art. Donc, je l'ai pas lu encore, mais j'ai hâte, par contre. Ouais, c'est ça, exactement. Un très bon article. Tout le temps. Super excellent, Maxime Dodo. Avec beaucoup de rigueur. On fait le profil de Jacques Brouillette aussi, statisticien des Patriotes. Et puis Jacques Laporte, évidemment, comme on l'avait annoncé ici à Assemblage Requis, qui quitte les Patriotes. Donc, une grande perte. En fait, une page d'histoire qui a été tournée. C'était une 14e saison qui était entraîneur des Patriotes hockey. Donc, voilà. Voilà, merci François. Plaisir, Mathieu. C'est tout pour le numéro du Zone Campus en kiosque du 16 au 29 avril 2012. Et comme c'est le dernier numéro de la session, il va être là pour maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que je m'en ai dit. Vous avez le temps de le lire en masse, là. C'est le volume 7, numéro 16. Vous pouvez aussi le retrouver sur le blog zonecampus.ca, zonecampus.ca, pour lire le PDF, pour télécharger tout ça, pour voir les articles commentés et les partager sur les différents médias, réseaux sociaux, comme Facebook et le Twitter. Le Twitter, surtout le Twitter. Donc, Zone Campus. On aime ça. C'est le journal qui frappe. Maintenant, on écoute Topanga, Assemblage Requis. On s'écoute Lionheart. Ça, c'est fou. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, attends un peu. Ça, c'était quoi, ça? C'était Ocean. Ça avait l'air bon aussi, mais je vais vous faire jouer Lionheart parce que c'est sur le palmarès en ce moment. Topanga. C'est Topanga! On adore, hein? Topanga. Ben, que j'aime bien d'ailleurs, c'était Kiwan qui nous a fait découvrir ce merveilleux groupe. Et la pièce s'intitulait comment, Mathieu? Lionheart! Oui, Cœur de Lion. Cœur de Lion. Moi, je suis très bon pour les imitations. Tu sais, alors que là, on vient d'imiter un lion. Je pense que c'était évident que c'est un lion. En tout cas, j'avais reconnu un lion. Ouais. Je trouve que c'est bon pour imiter une dactylo. J'aime bien ça. C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Allons-y avec Quickie Edition aujourd'hui. OK. Très, très rapide, Quickie Edition. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le premier McDonald's a ouvert il y a 57 ans, en date du 15 avril. C'était à Des Plaines, en Illinois, le 15 avril 1955. OK. Donc, hier, il y a 57 ans. C'est quand même bien, hein? Ouais. Le plus petit pays au monde à avoir un McDonald's est Monaco. C'est le plus petit qui a un McDonald's. Le plus petit en frais de superficie. Là. Exactement. Alors que le plus petit pays au monde qui n'a pas de McDonald's, c'est le Vatican. Mais c'est pas reconnu officiellement comme un pays, là, mais quand même, si on le compte comme un pays, c'est le cas. Et le plus gros pays à ne pas avoir de McDonald's est le Kazakhstan. OK. Intriguant, ça. Devinette maintenant. Gynoticolobomassophile. Qu'est-ce qu'un gynoticolobomassophile? C'est pas un gyno de la première espèce? Peut-être. Non, en fait, c'est une personne qui aime mâchouiller les lobes d'oreilles d'une femme. OK. Je savais pas qu'il y avait un nom pour ça. C'est gynoticolobomassophile. Eh bien. Ouais, bonne chance pour vous en rappeler. 99% de toutes les espèces qui ont vécu sur Terre de toute l'histoire sont maintenant complètement extinctes. 99%, donc on fait partie du 1% des espèces qui sont encore vivantes. Eh bien, hein. La soie d'une araignée. Tu sais ce qu'une araignée produit, là. Bon. Ouais. C'est 20 fois plus fort que l'acier et 4 fois plus fort que le Kevlar. Oh, ouais? Solide, là, on parle de solidité. Le Kevlar, c'est quelque chose. On a déjà dit ce fait-là, mais ça va nous amener au prochain, juste pour vous mettre en contexte, que les États-Unis... a seulement 5% de la population du monde, mais presque 25% des prisonniers du monde, ça on l'avait déjà dit. Ah ouais, pour vrai. Chronique-là, oui. Mais c'est que les États-Unis ont plus d'avocats par capita, là, okay, que partout ailleurs. Que c'est ça, que n'importe quel autre pays du monde, et 2 fois plus de prisonniers que d'avocats. Ah ouais. 2 fois plus de prisonniers que d'avocats. Mais ça, c'est normal. Là. Si ça aurait été l'inverse, ça aurait été bizarre. Ouais, mais seulement 2 fois, ça veut dire qu'il y a un avocat par. Par deux prisonniers. C'est beaucoup trop. Oh ouais, non, c'est beaucoup. Un autre devinette pour toi, tiens. Bambako malophobie. Ouais. C'est quoi? T'as peur des bambins? Non, c'est la peur du coton, de la laine du coton. Comment tu vas avoir peur du coton? Je sais pas. Je peux comprendre si t'es allergique, mais... J'avoue, mais... un autre, tiens. Lacanophobie. Et là, je dis pas L'apostrophe, acanophobie, là, c'est, y a le L est dans le mot lacanophobie. Ok, non. C'est la peur des légumes. Ouais. La peur des légumes. Alors, en tout cas. Y a une équipe de sport dans la American Hockey League, la Ligue américaine du hockey, là, qui s'appelle les Hershey Bears. Hershey Bears. Ok. Ok. Bon. Ben, au départ, ils s'appelaient les Hershey Bars, comme les barres de chocolat Hershey, d'accord? Ah ouais? Mais il y a eu des plaintes, on disait que le nom était trop commercial. Je sais même pas si c'est la compagnie de chocolat qui s'est plainte, je pense que c'est le public qui s'est plaint. Ou peut-être qu'il y avait une entente pour les appeler comme ça, mais en tout cas, ils sont devenus les Hershey Bears. Bears. C'est bizarre, des oursons au chocolat. Comme ça. Ah, regarde. Tiens, je vais aller avec un fait sur Daft Punk. Tu connais le groupe de musique Daft Punk? Ben oui, tout à fait. Qui est un des groupes de musique français les plus connus dans le monde. Ça a été formé par Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter. Ouais, et la part qui avait formé à l'origine un trio d'indie rock nommé Darlin, pendant qu'ils étaient toujours à l'école. Le duo a admis qu'ils ont formé ce groupe-là parce qu'à ce point-là, tout le monde voulait être dans un band. Tu sais, à l'époque, là, tout le monde fallait être dans un band pour être en mode. C'est comme ça. Okay. Apparemment, ils n'étaient pas super bons. Ils ont eu des critiques négatives. On disait d'eux, dans le fond, dans les critiques, que c'était en anglais « a bunch of Daft Punk », donc un paquet de punk là, pas très habile. Donc, Daft Punk, Bangalter et Homem Christo ont aimé ce nom-là et puis ils ont décidé de le garder et de nommer leur groupe comme ça. Oui. Intéressant quand même. Tiens, allons-y avec 2 faits particulièrement fascinants à mon avis. C'est un accident qui a enlevé la paralysie d'une personne, d'une femme. C'est Monique van der Wurst, 27 ans, elle vient des Pays-Bas. Avant ça, elle était athlète paralympique et était cycliste avec les mains, tu sais, là. OK, ouais. Tu sais, quand tu fais du vélo avec tes mains. Ouais, ouais. Donc, après une collision, son vélo a foncé dans quelque chose, je sais pas trop quoi. Donc, elle a fini à l'hôpital, elle a commencé à sentir un chatouillement dans ses jambes et tranquillement, elle a commencé à ravoir le mouvement dans ses jambes. Et après plusieurs mois de réhabilitation, elle a été capable de se lever debout et de marcher pour la première fois en plus d'une décennie. Ça, c'est quand même surprenant. Van der Wurst était paralysé depuis l'âge de 13 ans. Avant son accident, qui a ramené, dans le fond, sa capacité de marcher, Van der Wurst s'entraînait pour faire partie des Paralympiques de 2012 à Londres, donc de cette année. Et maintenant, vu qu'elle peut marcher, elle ne peut plus compétitionner dans les Paralympiques. Donc, elle peut pas continuer sa carrière comme ça. Elle essaie maintenant de travailler fort, à faire du vrai vélo, finalement, pour essayer peut-être de se qualifier aux Olympiques régulières. Mais tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas handicapés dans la vie que de gens handicapés. Donc, pour réussir à entrer dans les Olympiques, il va falloir que tu t'entraînes pas mal. Oh, c'est ça, là, c'est des années. Là. Je dis vraiment pas que c'est facile de participer aux Paralympiques, là, mais on s'entend qu'il y a moins de monde qui veulent participer, donc une plus bonne chance de te faire prendre. Non, exactement. Et c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Là, dans le sens pas. Où si tu as pratiqué tes bras toute ta vie, tu tombes avec tes jambes. Par des avantages comparativement aux autres. Là. Exactement. Elle veut participer aux Olympiques de 2016, c'est son but. On lui souhaite extrêmement bonne chance, là, vraiment. C'est go for it, là, mais c'est ça. Mettons que les chances sont moins bonnes. Une femme qui a survécu à une chute d'un avion maintenant. Ah ouais? Oui, une nouvelle assez particulière. Sheena Richardson, qui a eu 21 ans en mai 2005, elle a commencé à faire du skydiving, là. Donc, elle n'a pas dû commencer? Non, mais elle a survécu, donc je sais pas. À son dixième saut, qui était son premier vol solo, tout a mal tourné. Shayna a pas réussi à ouvrir son parachute, ou son parachute a pas voulu ouvrir. Là, on sait pas la faute est à qui nécessairement. Donc, elle a chuté à plus de 50 000 à l'heure. Et c'est ça, elle a pas réussi à sortir son parachute. Elle dit que le moment avant de frapper le sol, elle dit qu'elle a prié, évidemment. Hein, on s'entend. J'espère. Tu dois avoir tellement de choses qui te passent dans la tête. Là. J'imagine. Donc, elle a mis sa vie entre les mains de Dieu. Là, et lui a demandé simplement de faire qu'elle ne soit pas trop blessée. Shayna a frappé le sol face première dans un stationnement. Même pas un chambre de dents, rien. Non, un stationnement. Et elle dit qu'elle ne se souvient pas du tout de la chute. J'espère. L'équipe d'urgence est arrivée pour la sauver, s'attendant à ce qu'elle soit morte, mais elles ont été étonnées qu'elle n'était pas morte. Shayna s'est assise et elle a essayé de bouger. Ensuite, elle a perdu connaissance. La première chose qu'elle se souvient, c'est d'être dans l'ambulance quelques minutes plus tard. Après avoir survécu à la chute, elle a eu 15 plaques insérée dans sa tête, des plaques, j'imagine, de métal, d'aluminium, quelque chose du genre. Elle a eu 4 opérations, 2 fractures au pelvis et une fibule. Est-ce que tu dis une fibule? Fibula? J'ai aucune idée ce que c'est. Non, je sais. Une affaire, là, brisée. Et puis, c'est ça. Dans la salle d'urgence, après la chute, les docteurs ont découvert qu'elle était... Non, pas pour vrai. dans la salle d'urgence, après sa chute, les docteurs ont découvert qu'elle était enceinte de 2 semaines. Et que le bébé s'en est sorti, lui aussi. Elle est tombée face première, là. Le bébé s'en est sorti. C'est malade mental, là. Je sais pas comment tu fais pour survivre à ça, là. Je sais pas. Moi, j'ai vu une fois à Canal D, c'était un peu la même histoire. C'était un homme qui était tombé, mais par exemple, il disait, c'est un champ de blé d'Inde, il était chanceux, ça tu sais, ralentit, entre guillemets, parce que, en tout cas, ça te ralentit pas tant que ça. Ouais. Mais tu sais, le sol t'absorbe aussi, mais sur de l'asphalte, en pleine face, et lui, il était tombé sur le dos. Pour la colonne, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, mais tu sais, au moins, en fait, tu sais, t'as quand même ton truc de ton parachute, en fait. Là. Fait que tu sais, ça absorbe un peu. Ton sac à dos avec tout. Puis en fait, écoute, il y avait plein d'autres cassés, là, ça, on se cachera pas, mais en pleine face, comme ça, enceinte, c'est hallucinant, ça me fait capoter. Des fois, le corps humain est. Oui, c'est ça. C'est vraiment incroyable, le corps humain, en effet. C'est exactement ça. Et on dit les sauteurs professionnels, des gens d'expérience en skydiving, là, croient que c'était la faute de Shayna, et non pas la faute de son équipement, parce qu'ils ont étudié comment ça s'est passé. Donc, ça aurait été la faute de la personne et non pas la faute de son équipement. C'est encore... c'est un autre facteur. C'est moi. En tout cas, mais t'es content, t'es chanceux. Chanceux. Il y en a qui diront que la chance n'existe pas, là. Quand j'entends ça, je trouve que ça existe. Exact. Voilà pour la chronique, c'est un fait, François. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Il nous reste une dizaine de minutes à l'émission, je te dirais. 10 minutes, c'est vraiment pas long. Ouais. Vraiment pas long, mais c'est assez long pour aller entendre du Half Moon Run. Oh! Okay. On aime ça, formation locale. Tout à fait. Qu'on adore. Alors, on rappelle, hein, ce soir, les soirées cachées. Ben oui. Ça se déroule ce soir, ici même, dans le pavillon de Rébeau-Chemin, à la Galerie d'Art ou tout près. Ça commence à 22h30 après la finale de la lutte, donc si vous allez voir l'impro, déplacez-vous après. La formation, c'est Mauve, vous connaissez Mauve, on en fait jouer régulièrement ici à Assemblage Requis. On a joué 2 fois ce matin, oui, c'est ça. Très très très bon spectacle, évidemment c'est gratuit, accessible à tous. Et puis voilà, la première partie, c'est les rescapés, a fait la première partie des vulgaires machins. Half Moon Run, Full Circle, tout de suite, et on revient avec un petit au revoir, tout sympathique. Cap off, little at the back of the chair. hurts at first. A sharpish pain that returns as a thought that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. I'm hopeless with no coffee and a medical text. It's too easy knowing nothing, blowing off the rest. And the riddles in the pages leave it too much to guess. And the worry cracks and fracture from your hip to your chest. As I watch as your hand turns full circle. Half Moon Run et Full Circle à Assemblage Requis, et c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui, François-Olivier. Oui. On a eu une belle émission aujourd'hui, hein? Oui, quand même. Difficile un peu. Première heure, très difficile. Sans Internet, c'est quelque chose. Donc, restez sur nos ondes pour entendre La Sécheuse dans quelques minutes. Après ça, ce serait Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, je serai de retour avec les Palmarès et Fous en compagnie de Jasmine Raymond-Drainville. À 16h, c'est les Ladies du Boudoir. À 17h, Tout ou Lien. À 19h, Le Voyage insolite. Et à 20h, l'émission de Simon Fitzbay, Catalepsie. On se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'on a demain à 7h30? Demain à 7h30, on reçoit Stéphanie Garnier par téléphone. Avec sa chronique oui. Ton plat favori. Exact. En fin d'émission, à 8h30, on aura Marie-Pierre Laforge-Bourret, sa chronique littéraire. C'est le plan de demain. Tout à fait. Bon, CNX aussi. Ouais, exactement. Et on reviendra sur la soirée cachée. Ça va avoir lieu ce soir. Tu vas être là? Oui, exactement. Je vais assister. Merveilleux. Justement, question de se mettre un petit peu dans l'ambiance de la soirée, des soirées cachées, c'est fou, ce soir, là, à 22h30, à la Galerie d'art R3, du pavillon des Rébauchemins de l'UQTR. On va entendre deux pièces. On va entendre Mauve, encore une fois, tantôt, avec l'extrait Madeleine, okay. Sur l'album Cinéma Plymouth. Mais on va débuter ça avec une des pièce... Des rescapés. Des rescapés, ben oui. Ça va avoir lieu en première partie, donc... Exact. Et l'extrait qu'on s'en va entendre s'appelle Sans public. À demain. Bonne journée. Bye. Bye bye. Elle a dans un troupeau d'oreilles. L'auditoire est amnésé. J'ai pas besoin de donner un rappel. Je suis devant une scène d'île. Ça me donne quoi de faire mon show si je suis pour qui est un vide. Ma parole traîne dans un trou d'eau. Le vide me soutient, le sol me semble loin. Le son me revient, le silence n'est pas loin. À quoi bon ouvrir les lumières, se casser le cul à réfléchir. Parce que tout ce qu'on se dit, on peut pas le faire. Écoutez-moi avant de mourir. Qui en néglige tes basses voltiges.